Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la longue bataille des francophones hors Québec pour obtenir leurs écoles. On a commencé du côté francophone à voir des enfants, des élèves de 4 ans à plein temps qui ont une journée complète d'école. Mais entièrement en français. Entièrement en français, ce qui ne se fait pas du côté anglophone. Et les conseils scolaires le font. Ils investissent de l'argent parce qu'ils veulent effectivement contrer cette assimilation. Alors ça, c'est par exemple là, quelque chose qui découle concrètement de cette gestion scolaire accordée aux francophones. Des écoles francophones de l'Ontario en avance sur les écoles anglophones de la province, une réalité que décrit le journaliste Marco Dubé au micro de Ginette Lamarche à l'émission Dimanche Magazine en septembre 2001, une réalité qui aurait été impensable quelques années seulement auparavant, car si les francophones hors Québec contrôlent aujourd'hui la gestion de leurs écoles, à une certaine époque, il ne faut pas oublier qu'on leur interdisait carrément de s'éduquer dans leur langue. La bataille des francophones de l'extérieur du Québec pour obtenir leur école a en fait été longue et ardu. Jusque dans les années 60, l'éducation en français est limitée en Ontario. Il existe des écoles primaires publiques de langue française, mais au secondaire, il n'y a que quelques institutions privées, généralement de confession catholique. En 1968, la province instaure le financement public des écoles secondaires françaises, mais seulement dans les villes où la population francophone est jugée suffisante. C'est au conseil scolaire de décider, et ces conseils sont presque toujours sous le contrôle d'une majorité d'anglophones. Malgré tout, dès l'année qui suit la nouvelle loi, 18 écoles secondaires de langue française voient le jour, là où le nombre le justifie. Ce n'est pas le cas à Penetanguishin, dans la région de la Baie-Georgienne. Ici, de la 9e à la 13e année, les élèves francophones doivent poursuivre leur éducation en anglais. Le Penetanguishin Secondary School, qu'on appelle aussi PSS, ouvre ses portes en 1964. Une bonne proportion des élèves sont de familles francophones. On y offre un cours de français langue maternelle. Oui, on prétendait que c'est une école bilingue, mais on n'avait pas des cours de français. Sur mon relevé de notes de l'école, mon cours était Special French. Alors, c'est juste ça qu'on avait. Extrait de l'émission « Tout le monde en parlait » du 21 juin 2001. À la fin de l'extrait, vous entendiez Basile Dorion, ancien organisateur de l'École de la résistance de Penetanguishin. On reviendra sur cette école un peu plus tard au cours de cette émission. Pour retracer ce long combat des francophones hors Québec pour obtenir leur école, je reçois Joël Béliveau, qui est professeur d'histoire à l'Université Laurentienne de Sudbury. Joël Béliveau, bonjour. Bonjour. C'est un petit peu évoqué là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, la réalité des années 60. C'est comme une charnière. Avant la fin des années 60, il y a une réalité pour ce qui est des écoles pour les francophones en Québec. Puis ça commence à changer à ce moment-là, à la fin des années 60. Ça ressemble à quoi, la réalité des francophones en Québec, quand on parle d'éducation dans leur langue avant les années 60? Bien, déjà, il y a eu un pas de franchi durant les années 20. Hein. Jusqu'avant les années 20, en Ontario, au Manitoba, on a carrément des lois hostiles à l'enseignement en français et du français. On connaît le règlement 17, etc. Donc, interdiction, là, interdiction, carrément. C'est ça. Donc, répression, volonté d'éliminer la langue des écoles. À partir des années 20, c'est plus flou. Hein. La langue est tolérée. Elle est comme là, mais dans un système unique. Je m'explique. Il y a un curriculum pour la province au complet, dans lequel il y a beaucoup de ressources pédagogiques, manuelles, etc., en anglais et un peu en français. Et puis, on donne une certaine latitude aux profs, aux enseignants, de choisir parmi ces ressources-là. Mais le montant de ressources en français augmente vraiment au compte-gouttes, peu à peu. Et puis, dans les faits, arrivé au secondaire, toutes les ressources sont en anglais. Oui. L'enseignant ou l'enseignante va peut-être parler en français, mais va devoir utiliser les termes anglais pour expliquer les mathématiques, la géographie, l'histoire de la Grande-Bretagne, etc., etc. Donc, l'éducation en français, c'est au mieux l'affaire de l'école primaire, mais après ça, on oublie ça, exact. Sauf exception. Oui, voilà. Oui. Ouais. Et aussi, il y a un drôle de statut non officiel qui se dégage. On appelle ça parfois des French-English schools ou des bilingual schools. C'est des euphémismes pour désigner les écoles où il y a beaucoup de francophones, mais où il n'y a pas vraiment concrètement beaucoup plus de concessions. Et ça cohabite, là. Dans ces écoles-là, il y a des francophones et des anglophones sous le même toit. Absolument. Puis en fait, ironiquement, avec le progrès de l'éducation au milieu du 20e siècle, avec l'arrivée des écoles consolidées, souvent, en fait, la place du français va reculer. Parce que dans les petites écoles de rang, dans la la campagne, souvent, c'est assez homogène. Hein. On va voir une quinzaine de petits francophones. Mais à partir du moment où on apporte les autobus puis qu'on on les envoie à un endroit central, bien là, tout à coup, forcément, c'est mixte. Puis quand c'est mixte... Ça parle en anglais. La langue commune. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les choses... Donc, les années 60, on y revient. Fin des années 60, ça commence à bouger. Qu'est-ce qui fait que ça commence à bouger? Eh bien, dans ce cas-là, on doit une fière chandelle au Québec, finalement. Le Québec, avec sa révolution tranquille, bouge, a beaucoup de projets de modernisation, ça affirme de plus en plus sa francophonie, le mouvement souverainiste qui émerge tranquillement, le reste du Canada qui se demande « What does Québec want? » Et puis, donc, la réinvention du Canada qui va suivre de très près, hein, l'idée que ça va peut-être plus marcher de continuer à se définir comme un dominion britannique. Hein, donc, on voit le drapeau canadien adopté en 64. Par exemple, la commission Laurando-Duntin sur le bilinguisme qui apparaît la même année, l'idée qu'on veut redéfinir le Canada pour essayer de le rendre plus inclusif. Et ces réflexions-là vont se rendre jusque dans la sphère de l'éducation. Le Canada se canadianise avec des symboles forts, le drapeau, vous le disiez, mais au fond, cette canadianisation, ça passe par la réalité québécoise francophone. Il y a comme, à ce moment-là, deux peuples fondateurs. On est là-dedans. Donc, le Canada, qui n'est plus un dominion britannique, c'est des francophones et des anglophones. Il faut voir qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas encore, mais il y a une réflexion. Et même les provinces, qui sont en charge de l'éducation, commencent à se poser un peu la question. Ouais. Et il y aura, à ce moment-là, donc, des champions de cette identité canadienne. Ça va beaucoup passer, puis ce sera le cas dans les années 60, mais même dans les années 70, 80, 90, par l'Ontario. Quand on parle du Canada anglais, c'est beaucoup là où il y aura comme des champions de l'unité nationale, David Peterson plus tard, même Bob Rae. Mais l'un des premiers, c'est John Robarts, qui est premier ministre de l'Ontario dans les années 60, et qui, cette province, sous l'impulsion de John Robarts, devient un petit peu à l'époque l'espèce de chef de file des provinces anglophones en matière d'éducation en français. Monsieur Robarts assistait hier à Welland, pas tellement loin de Toronto, à l'inauguration de la première école secondaire de langue française en Ontario, qui se nomme École secondaire Confédération. Or, il est à signaler, évidemment, que depuis quelque temps, le gouvernement ontarien fait des efforts assez importants pour promouvoir le bilinguisme dans la province, et l'inauguration de la première école secondaire à prédominance française était un fait que le gouvernement et que le premier ministre, M. Robarts, voulait souligner par une déclaration assez importante. Ce n'est pas tellement nouveau en soi, puisque déjà depuis quelque temps, le gouvernement ontarien semble s'engager dans cette voie, mais M. Robarts a quand même déclaré hier que l'inauguration de l'École Confédération était le début d'une nouvelle époque dans l'histoire de l'éducation en Ontario, et il a déclaré qu'il était impensable qu'il y ait un Canada sans une participation française. Et évidemment, les Canadiens français ici se réjouiront sans doute de cette déclaration de M. Robarts, et qui est, n'est-ce pas, un peu la concrétisation de la politique qui s'amorce en Ontario depuis quelque temps. Le journaliste Michael McAndrew, au Radio-Journal du 26 novembre 1968, comment résumer cette petite révolution Robarts à laquelle on assiste en Ontario dans les années 60, Joël Béliveau? Vous l'avez bien décrit, hein, il se présente un peu comme le capitaine Canada en tant que premier ministre de la plus grande province, d'une province centrale, populeuse et voisine du Québec. Il se dit, si quelqu'un a un rôle à jouer pour transformer le Canada, c'est nous. Et donc, il va prendre les devants. Il va, par exemple, organiser la conférence La Confédération de demain en 1968, qui est un des premiers lieux où on va voir un affrontement Trudeau avec la province du Québec, par exemple. Mais il y a aussi ces lois, 140 et 141, adoptées en 1967, qui permettent pour la première fois la création d'écoles secondaires publiques de langue française. Et donc, c'est un grand pas en avant. Seulement un petit problème, hein, la loi permet la création, mais laisse la décision dans la main des conseils scolaires, qui, dans leur totalité, sont dominés par des éléments anglophones et qui, donc, ont le destin des francophones de la région entre leurs mains. Donc, les anglophones, effectivement, qui contrôlent le jeu. Remarquez, Joël Béliveau, parfois, ça se passe bien. Il y a des écoles francophones secondaires qui vont ouvrir en Ontario à la suite de l'adoption des lois 140 et 141. D'autres fois, ça va aller plus mal, mais pas toujours. Absolument, absolument. Même que dans la majorité des cas, ça se fait sans accroc. Hein, dans les villes de plus grande taille, surtout, où il y a un certain nombre d'écoles, c'est assez facile d'en désigner une, puis dire, bon, celle-là, ce serait l'école secondaire francophone, et de répartir les élèves, tout simplement. C'est ce qu'on a entendu à Welland, c'est ça qui est arrivé à Sudbury la même année, où on a carrément construit une nouvelle école secondaire qui existe encore, mais que dans notre quartier. Ouais. Mais le problème se pose dans les plus petites municipalités, ouais, où les conseils scolaires vont se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir deux écoles? Ouais. Et quand, ouais, ça grince sérieusement et ça crée des tensions très fortes, on va dans les minutes qui viennent s'attarder à deux exemples très concrets, Sturgeon Falls en 71, puis Penetanguishene un peu plus tard, parce que ces deux exemples-là nous montrent très, très bien ce que ça a voulu dire en Ontario, mais ailleurs au Canada, mais en Ontario en particulier, la bataille des francophones pour obtenir leurs écoles. Donc, Sturgeon Falls, crise qui culmine en 71. On y revient dans un instant, mais on écoute d'abord un extrait d'un reportage de Sébastien Pierroz qui est présenté à l'émission ONFR de la chaîne TFO en décembre 2016 et qui revient sur la crise de Sturgeon Falls. Yvon Marlot se souvient. En septembre 1971, les débuts de ce nouvel enseignant de 24 ans sont mouvementés. Les parents et élèves francophones décident d'occuper l'école bilingue qu'ils partagent avec la communauté anglophone et dans laquelle ils sont majoritaires. Une protestation pour obtenir enfin une école secondaire francophone. La première journée de classe, on s'est présenté ici, à l'entrée principale de l'école, et puis on nous a bloqué l'entrée. Les élèves étaient là, nous bloquaient l'entrée. C'était la grève, la revendication. Les francophones obtiennent finalement gain de cause, et le 8 décembre 1971, le conseil scolaire de Nipissing accorde la construction d'une école francophone. Une période de transition de 2 ans s'ensuit et les francophones conservent les locaux de l'établissement qui devient l'école Franco-Cité. Cette victoire laisse malgré tout des cicatrices parmi les résidents de Sturgeon Falls. Mais au niveau de la communauté, c'était très, très délicat, si tu veux. On a vu des amitiés qui ont été brisées, des familles qui ont été divisées même à ce niveau-là, parce que les gens prenaient ça à cœur. Alors, racontez-nous, cette tension, d'ailleurs, il y a encore des traces de ça, on y reviendra dans un instant, Joël Bilodeau, mais racontez-nous cette crise-là, comment ça se passe, comment on en arrive à cette crise scolaire importante à Sturgeon Falls en 1971. Ben voilà, à Sturgeon, dès 69, on demande une école francophone en fonction de la loi 141. Et puis, le conseil scolaire, qui est composé de 17 personnes, dont 3 francophones, c'est pour le conseil scolaire pour la grande région, va refuser tout simplement. Même si à Sturgeon, la 80% de la population est francophone. Voilà. Donc, la ville est simplement trop petite, selon eux, pour deux écoles. Alors, une majorité francophone qui n'a pas sa propre école, puis qui doit partager le curriculum commun. La tension va monter à partir de ce moment-là. Les élèves vont la demander. Surtout que, puis là, à un moment donné, on va concéder une sorte de partage de l'école. Des locaux séparés, une gestion unique pour deux écoles dans les faits. Ça marche plus ou moins bien. Puis, en fait, ça va juste exacerber les tensions parce que, du coup, ça divise les étudiants de part et d'autre. Et puis, on a du mal à partager les ressources. Les parents vont s'impliquer, les enseignants vont s'impliquer. Et puis, la tension va juste augmenter. Beaucoup d'associations vont commencer à prendre parole. Donc, les associations jeunesse, pan-ontarienne, LACFO, donc l'Association canadienne-française de l'Ontario. On va même voir des tracts, soi-disant du FLQ, circuler dans la ville. Donc, des menaces de violence. On ne sait pas vraiment c'est quoi l'origine de ces tracts-là. Ouais. Mais à un moment donné, ça va culminer avec la grève d'abord, puis l'occupation dont parlait le témoin. L'occupation de l'école, carrément. Ouais, ouais. Puis ça laisse des traces. Communauté francophone, essentiellement, à Sturgeon Falls, mais tension entre les francophones et les anglophones, tension entre francophones eux-mêmes, qui aujourd'hui encore... on continue de se souvenir de ça à Sturgeon Falls. Absolument. Et puis ça, c'est vraiment un archétype. Ça se passe partout au Canada. Hein. C'est les premières années où on commence à parler de l'école secondaire complètement en français. Aujourd'hui, ça semble normal, mais beaucoup de parents se demandaient, est-ce que mon jeune va être désavantagé par ça? Est-ce qu'il va avoir de la difficulté à intégrer le marché du travail? Ouais. Est-ce qu'il n'est pas mieux? Bon, on a déjà fait l'élémentaire plutôt en français. Là, ça ne serait pas mieux de devenir parfaitement bilingue en finissant en anglais. Donc, la communauté francophone elle-même va se diviser, se déchirer. Ouais. Ce qui est intéressant du cas de Sturgeon Falls, c'est que contrairement au cas de Penetanguishene qu'on va aborder dans un instant, il y a une volonté politique à Sturgeon Falls, un gouvernement provincial qui décide que cette question-là doit être réglée et ça marche. Et voilà, oui, on va nommer un commissaire, hein, Thomas Simons, qui va se pencher sur la question, qui va faire un rapport. Et puis, donc, il va recommander des mesures à prendre pour les commissions scolaires de manière générale. Puis ensuite, il va s'asseoir avec la commission scolaire de Nipissing dans la région de Sturgeon Falls. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est dit, mais on sait que quelques jours après, la commission scolaire a concédé, puis a décrété que l'école deviendrait franco-cité. Alors que dans le cas de Penetanguishene, avec un autre gouvernement qui ne s'en mêlera pas, ça va traîner en longueur et tout ce qui traîne, on le sait, se salit. Et ça va donner vraiment une crise majeure à la fin des années 70 à Penetanguishene. On a commencé cette école-là en septembre en croyant que ça durerait 3 semaines maximum parce que, bon, les gens verraient la lumière en quelque part, ce qui est quand même peut-être aujourd'hui une approche peut-être un petit peu naïve, mais disons que ça ne s'est pas passé. Et là, je pense qu'il a fallu faire un arrêt mental et dire, bon, ben, ces enfants-là, on ne peut pas leur faire quand même manquer leur année. Et là, il y a des enseignants qui sont venus, il y a des écoles de la région d'Ottawa, par exemple, de Cornell, qui ont envoyé des livres et des bouquins et tout ça. Et le moment tournant, ça s'est passé en avril de l'année 80, donc l'année qui est suivante. Et puis c'était carrément le référendum au Québec qui était dû pour le mois de mai, le 20 mai, je crois. Et là, le gouvernement de l'Ontario qui se préparait à venir au Québec convaincre les Québécois que le Canada, c'était une terre d'accueil pour les gens d'expression française, bon, on leur a dit carrément un instant, si c'est le message que vous allez passer, réglez vos choses dans votre cour. Et c'est ce qu'ils ont fait d'une façon... à l'époque, il y avait pas de constitution, il n'y avait pas d'article 23. Donc, avec ce que la loi permettait, on est allé chercher ce qu'on pouvait, qui était quand même 4 murs et des pupitres. Et ça a été la première étape, au moins de gagner le principe d'avoir une école de langue française pour nos enfants. Claudette Paquin, qui est la mère d'un élève de l'école secondaire de Penetanguishene, à l'émission Histoire de parler en février 2000. 79, l'année 79, cette école, la résistance dont parle Mme Paquin, ça, c'est le pic de la crise à Penetanguishene. On va revenir sur le dénouement, sur le contexte politique national qui va aider les francophones de Penetanguishene dans un instant. Mais rappelez-nous quand même un petit peu la genèse de cette crise-là, parce que ça commence... 79, c'est le pic, c'est l'école de la résistance qu'on va... Vraiment, une école parallèle là, qui est créée à Penetanguishene, une école française. Mais au fond, cette histoire-là, Joël Béliveau, cette crise-là à Penetanguishene, elle remonte aux années 60. Oui, absolument. Penetanguishene, c'est un cas type, je pense. Hein? C'est une communauté avec une vieille souche canadienne française et même métisse, hein, sur le bord du lac Huron. Et puis... autrefois, les Canadiens français, les francophones avaient été majoritaires dans la région. Ils sont maintenant à peu près, ils étaient à peu près 40% au moment de la crise. Mais c'est en partie à cause de l'absence d'écoles francophones. Et dans les années 60, un petit peu avant l'arrivée de la loi 140-141, on avait dit gentiment, on se bat une école bilingue à Penetang. Mais le bilinguisme, comme on l'a entendu dans le premier extrait, ça voulait pas dire grand-chose. Ça voulait dire un cours de special French, hein, en gros, français, langue maternelle, ouais. Au milieu de... Malgré tout, hein, les gens tolèrent pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'une étudiante nommée Denise Jaco publie une lettre, hein, en 1976 dénonçant l'assimilation qui se passe dans son école et recommandant 24 points pour améliorer le fonctionnement de l'école. Elle ne demande pas encore une école francophone, ouais, comme telle. Elle veut juste une amélioration dans la situation. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un comité consultatif de langue française dans le conseil scolaire de Simcoe, de la région Simcoe. Un comité consultatif qui est à peu près jamais entendu, jamais écouté, mais qui va se saisir de la chose, qui va appuyer l'élève et qui va, en fait, recommander la création d'une nouvelle école. Et ouais, là commence la discussion. Et là, plusieurs associations qui s'en mêlent. Et jusqu'à ce que, finalement, en 79, 3 ans plus tard, voyons qu'il n'y a aucun mouvement, hein, un coup d'éclat. On prend le bureau de poste désaffecté au centre-ville de Penetang et puis on le transforme dans l'école de la résistance ou l'école de la Huronie. Une école parallèle, une école illégale, au fond. Absolument, absolument illégale. Et la ville, carrément la ville, va essayer d'avoir une injonction pour la fermer. Ouais. Mais la cour va dire non, on va laisser les choses évoluer. Ouais. Et revenons à ce que Claudette Paquin évoquait, le contexte politique de l'époque. On se dirige à ce moment-là vers le référendum, le premier référendum sur la souveraineté au Québec. La crise de Penetanguishene, mais ça va arriver périodiquement ailleurs au Canada. Il y a des crises comme ça locales qui touchent les droits des francophones au Québec qui deviennent des dossiers nationaux. Quel poids ça va avoir, ce contexte-là? Les discours que feront René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau, sur la solution qu'on va trouver à Penetang-Wishin? Je pense que Penetang, de par le timing, va avoir une influence énorme. En 79, début 80, Pierre-Éliott Trudeau est dans l'opposition. Mais il va quand même faire, à ma connaissance, une des premières affirmations pour des droits collectifs pour une minorité au niveau provincial au moins. Il va dire que l'Ontario doit s'occuper de sa minorité francophone. Et je crois que là, peut-être, un élément de la genèse de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et des libertés de 1981, hein, qui prévoit que les francophones minoritaires, les anglophones minoritaires, doivent avoir leurs propres écoles. Sinon, les francophones de Penetang sont quand même très conscients du contexte et du référendum qui s'en vient. Ils vont jouer cette carte-là. À un moment donné, René Lévesque va à Toronto pour des rencontres et ils vont se déplacer, faire une manifestation devant l'hôtel et réussir à le rencontrer et puis tirer quelques mots de sa part. Donc, les francophones de Penetang-Wishin auront finalement leur école secondaire française. Vous l'avez évoqué, il y a un article, l'article 23, qui va être inclus dans la nouvelle Constitution canadienne du début des années 80. Ça va tout changer. Et à partir de ce moment-là, non seulement les francophones vont avoir leurs écoles, mais ils vont obtenir ce qu'on va appeler la gestion scolaire. Jugement Mahé, en 1990, ça, c'est un premier jalon très, très important. Puis le jugement Arsenault-Cameron, ça va passer par les tribunaux en 2000, deuxième jalon important. Qu'est-ce qui change avec ces jugements-là? En fait, c'est ça. L'article 23 vient retirer la décision du politique, transforme ça dans un droit. Et puis, au début, les francophones ne sont pas trop sûrs jusqu'à quel point c'est solide. Ils ont peur que ça ne va pas leur donner la gestion scolaire. Ce n'est pas dit en toutes lettres, mais quelques jugements assez libéraux vont élargir le sens de l'article 23. Notamment le jugement Mahé, qui porte sur une cause en Alberta, qui va dire finalement que les gouvernements ont le devoir de remédier à des injustices passées. Donc, si la communauté francophone est trop petite maintenant, ce n'est pas une bonne excuse pour ne pas créer une école. Elle est trop petite maintenant parce que vous ne leur avez pas donné d'école. Oui. Et un peu plus tard, en 2000, le jugement Arsenault-Cameron à l'Île-du-Prince-Édouard qui va dire que finalement, on peut prendre des mesures particulières pour la minorité, que pour les traiter de manière égale, il faut parfois leur donner une attention spéciale. Oui, ça change tout. Aujourd'hui, on en est où sur le plan de l'éducation en français au Canada? Ben, c'est devenu un peu normal pour tout le monde, pour les francophones, pour les anglophones, de voir des écoles secondaires de langue française un peu partout, même dans les communautés où la minorité est assez petite. On voit que c'est tellement normalisé que même beaucoup d'anglophones dans la pratique veulent envoyer leurs enfants là pour leur donner le bilinguisme, etc. C'est une force, certainement. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le français un peu partout au pays. Et en même temps, plusieurs se demandent, est-ce qu'on est allé un peu trop loin? Est-ce que la définition inclusive de l'article 23 sur les ayants droit n'est pas trop large? Parce que là, on voit finalement plusieurs enfants anglo-dominants, comme on les appelle, dont la première langue est clairement l'anglais, qui sont dans les écoles francophones. On peut se demander si l'assimilation qui se passait à l'extérieur, maintenant, peut se passer en partie à l'intérieur de l'école. Joël Béliveau, professeur au département d'histoire de l'Université Laurentienne à Sudbury, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.